The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To attend. Assister à. Changing of the guard. La relève de la garde. Buckingham Palace. Le palais de Buckingham. London. Londres. Tower of London. La tour de Londres. Surprising. Étonnant. Contrary to. Contrairement à. Roast beef. Le roast beef. Sale. Les soldes. Deal. L'affaire. Pound. La livre. Now, a bit faster. Roast beef. Le roast beef. Contrary to. Contrairement à. Changing of the guard. La relève de la garde. To attend. Assister à. Buckingham Palace. Le palais de Buckingham. Surprising. Étonnant. Sale. Les soldes. London. Londres. Buckingham Palace. Le palais de Buckingham. Deal. L'affaire. Contrary to. Contrairement à. To attend. Assister à. Roast beef. Le roast beef. Surprising. Étonnant. Buckingham Palace. Le palais de Buckingham. Tower of London. La tour de Londres. Changing of the guard. La relève de la garde. Deal. L'affaire. Changing of the guard. La relève de la garde. London. Londres. Buckingham Palace. Le palais de Buckingham. Now, use the words in context. Assister. I'm going to the U2 concert tonight. Je vais assister au concert de U2 ce soir. Étonnant. It's surprising that you don't know how to whistle. C'est étonnant que tu ne saches pas siffler. Contrairement à. Contrary to everything he says, he likes studying. Contrairement à ce qu'il dit, il aime étudier. L'affaire. It was a good business deal selling my merchandise at that price. J'ai fait une bonne affaire en vendant ma marchandise à ce prix. La livre. Those pants cost 25 pounds. Ce pantalon coûte 25 livres. Assister. I'm going to the U2 concert tonight. Je vais assister au concert de U2 ce soir. Contrairement à. Contrary to everything he says, he likes studying. Contrairement à ce qu'il dit, il aime étudier.